Mireille Kanyangi. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Le parti Uprona dénonce plusieurs irrégularités ayant marqué le double scrutin du jeudi 5 juin. De l'autre côté, le parti au pouvoir apprécie positivement le déroulement de ces élections malgré des irrégularités. Entre-temps, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CINGL, en appelle au dialogue avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour vider toute divergence sur ce double scrutin. En province, Kayanza, on vous parlera des défis auxquels elle fait face le lycée Kayanza. C'est un établissement scolaire à régime d'internat. En actualité africaine, le Tchad interrompt les visas américains en réponse à la décision du président américain d'interdire les voyages aux États-Unis pour une dizaine de pays africains, dont le Tchad. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois, page politique, pour débuter cette édition. Le parti Uprona exprime ses inquiétudes et condamne avec fermeté les fraudes qu'il qualifie de massives et systématiques qui ont entaché les élections législatives et communales du 5 juin de cette année et sur le territoire national. Déclaration de ce parti ce vendredi en conférence de presse. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, trouve qu'il s'agissait d'un vote forcé et des intimidations des électeurs jusque dans les isoloirs, voire même l'obligation aux électeurs de donner des bulletins de vote pour qu'on élise à leur place. Suivez. Parmi les faits généraux, le plus préoccupant, le parti Uprona relève les suivants. Le bourrage d'urnes et vote avant l'heure d'ouverture constaté dans presque toutes les provinces avant le début des élections. La présence illégale des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure du CNDD-FDD dans les bureaux de vote aux alentours et dans les isoloirs exerçant des pressions sur les électeurs en complicité avec membres des centres et bureaux de vote déployés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'obus étant de forcer les gens à élire le parti au pouvoir CNDD ou de voter pour eux. Il y a eu aussi l'expulsion violente de non-mandataires dans de nombreux bureaux de vote et cela pendant le vote et lors du comptage et même ceux qui sont restés n'ont pas eu le droit de vérifier l'exactitude de ce qui était lu lors du comptage des voix pour confronter la véracité. Les intimidations des électeurs jusqu'à dans les isoloirs et en vote forcé. L'obligation de signer le feuille F2 avant le déroulement du scrutin dans certains bureaux de vote. L'obligation aux électeurs de donner le bulletin de vote pour qu'on élise à leur place. Pour ce faire, les élections du 5 juillet 2025 ont été en rendez-vous manqué, malgré les promesses du 9 mai à Gitega qui avaient suscité beaucoup d'espoir. Les élections n'ont été ni transparentes, ni équitables, ni paisibles, ni libres et encore moins démocratique. Cela a été malheureusement observé dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans toutes les zones, dans la plupart des bureaux de vote et le manquement sont venus autant des membres de jeunes du parti au pouvoir, Imbonerakure, des membres des bureaux de vote, de certains administratifs et agents de l'ordre et cela depuis le début jusqu'à la conclusion des opérations électorales. Nous déplorons en même temps que les responsables du parti Uprona à la base et nos et étaient malmenés par l'appareil administratif, policier et de justice. Ils sont emprisonnés irrégulièrement et arbitrairement. Eu égard à ce qui précède, le parti Uprona à la direction du parti pour gérer la question. Le pouvoir et la justice a libéré les membres du parti Uprona emprisonnés arbitrairement. Le parti CNDD-FDD apprécie positivement le déroulement du double scrutin du jeudi 5 juin. Ce parti ne nie pas certaines irrégularités qui ont caractérisé cette élection. Dans une conférence de presse de ce samedi, Reverian Dikourio, secrétaire général du dit parti, parle d'un climat calme ayant marqué le dit scrutin. Il a en outre demandé que les auteurs de ces irrégularités soient identifiés et sanctionnés car, dit-il, les électeurs se trouvant dans une localité quelconque se connaissent. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la traduction d'Alexis Ndayisenga. Sa Depuis 3 heures du matin, les membres du CNDD-FDD étaient à la queue pour élire. À 8 heures, 40% avaient déjà terminé à voter. C'est un honneur pour eux et pour le pays. Les élections se sont bien déroulées, mais quand même, les irrégularités ne peuvent pas manquer. Est-ce que dans les 14 000 bureaux de vote, ne peut pas y avoir une irrégularité? Il faut savoir que nous ne sommes pas dans le paradis. Là où se trouvent des personnes, il doit y avoir des irrégularités. Si j'ai la bonne mémoire, j'étais à Burunga, ma province natale. Je ne peux pas préciser que c'est dans la commune Musongati. Il y a quelqu'un qui a ordonné les électeurs de photocopier les bulletins de vote afin de gagner 5 000 francs burundais. Ces personnes, nous les avons. Alors, ce sont des irrégularités. Le vote se fait clandestinement. Vous comprendrez qu'il y a des personnes insérieuses. Et si on les arrête, on dira que les hommes politiques sont emprisonnés. Donc, les irrégularités ne manquent pas. Mais pas grave, est-ce que s'il y a de voter à la place de l'autre, ça ne me concerne pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est lui qui a été pris par force pour voter à sa place. Il faut dénoncer ces cas, car vous vous connaissez. Donc, pour ces cas, je n'en dis rien. Il faut que chacun dise c'est lui qui a voté à sa place. Rero abavugati abatoreye abandi ico zidakicako umwese navugwa mutoreye kuko barazina ikuri yo vote. Reverend Kuleo, secrétaire général du parti au pouvoir, et la mission d'observation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, salue le déroulement de ces élections. Au cours d'une conférence de presse du secrétaire exécutif de cette conférence ce samedi, l'ambassadeur Joao Samuel Chaolo a indiqué que cette mission a noté que ces élections ont respecté les normes internationales. Pour ce qui est des plaintes de certains partis politiques qui ont relevé quelques irrégularités, le secrétaire exécutif de la CIRGL en appelle au dialogue avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suivez-le à travers cette traduction de son interprète. Our observers had the opportunity to witness the opening of 70 polling stations. Furthermore, our observers were pleased to report that voters at the observed polling stations. Nos observateurs ont été heureux de rapporter que les électeurs dans le bureau de vote observaient en fait preuve de calme et de paix, sans aucun incident de violence ou d'intimidation de l'électeur enregistré. Les représentants de partis politiques et candidats indépendants ont approuvé tous le formulaire de résultats pour le 2 scrutin. En effet, le peuple du Burundi a exercé son droit de vote. Dans notre évaluation préliminaire, nous sommes heureux de transmettre que les élections législatives et communales de 2025 en République du Burundi se sont largement alignées sur les normes régionales et internationales pour le processus électoral. Là aussi, c'est la chérie en disant que oui, comme nous l'avions dit, il y a des lois, il y a des procédures, il y a des normes établies. S'il y a des irrégularités et des revendications à faire quand les élections sont observées, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il encourage que l'IPRONA ou le CNL, qui estime qu'il y a des irrégularités qui ont été observées ci et là, de pouvoir le faire conformément à la loi et pouvoir aller à la CENI, s'asseoir avec la CENI et expliquer tout ce qui a été observé. Et les observateurs électoraux de la mission de l'Union africaine disent avoir noté avec satisfaction le bon déroulement de ces élections du jeudi 5 juin. La mission de l'Union africaine dit avoir effectué des observations dans 152 bureaux de vote situés en zone rurale et en zone urbaine sur un total de plus de 14 000 bureaux de vote. Lors d'une déclaration ce samedi, au lendemain de ces élections, Vincent Meriton, chef de mission, a toutefois recommandé au gouvernement burundais de promouvoir le dialogue inclusif afin de renforcer la cohésion sociale. Les urnes étaient bien scellées dans 97% des bureaux de vote visités par la mission. Les médias ont couvert convenablement le scrutin et les réseaux sociaux ont relayé des aspects de son déroulement sur la toile. Par ailleurs, il y avait une présence discrète et professionnelle des forces de défense et de sécurité nationale dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés. Les opérations électorales se sont déroulées en présence de représentants de partis, coalitions et candidats en lice de 90% des bureaux de vote, dont plus de la majorité d'entre eux est affiliée au CNDD-FDD. En effet, il représente 64%, suivi de l'UPRONA, 36%. Les représentants du parti CNL étaient présents dans 30% des bureaux de vote visités. Recommandations. Au regard de ce qui précède, la mission formule les recommandations pertinentes suivantes. Au gouvernement, de continuer de promouvoir le dialogue républicain inclusif entre toutes parties prenantes du processus électoral pour induire des réformes consensuelles tenant compte des préoccupations de tous les acteurs impliqués afin de consolider davantage la paix démocratique, l'état de droit et des élections apaisées dans le pays. Étudier la possibilité d'appuyer les candidats, partis et coalitions en lice par l'octroi, si possible, d'un financement public lors des scrutins en tenant compte de la disponibilité des moyens de l'État pour mieux garantir l'équité républicaine entre eux. Au cours de la même conférence de presse, la mission électorale Nouvelle Perspective Suisse a indiqué que les urnes étaient correctement scellées sur 10 bureaux de vote témoins visités. Suivez Mabrouk Benatia, chef de mission de NP Suisse. La mission a déployé 16 observateurs électoraux court terme issus de 8 pays, à savoir la Suisse, le Cameroun, la Guinée, le Bénin, la France, le Congo, le Kenya et la République centrafricaine. Pendant l'ouverture du scrutin, les observateurs ont assisté à l'ouverture de certains bureaux de vote dans les deux provinces précitées et ont noté que celles-ci ont été faites conformément au respect du code électoral, c'est-à-dire à 6 heures du matin. Aucun retard significatif n'a été enregistré au début des opérations de vote, le matériel électoral et les agents électoraux étant arrivés avant l'ouverture des bureaux de vote. Néanmoins, quelques cas isolés de retard d'ouverture suivant 10 à 25 minutes et dû au manque de certains documents ont été notés. Néanmoins, nos observateurs ont relevé quelques cas isolés, des bureaux de vote non accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment dans certains bureaux de vote situés en zone rurale en province d'Iteka. Nos observateurs ont observé que les électeurs qui votaient étaient préalablement identifiés par un agent électoral. Nos observateurs n'ont assisté à aucune campagne active dans les bureaux de vote visités. Ils ont observé la présence des mandataires de certains partis politiques, notamment ceux du CNDD, FDD, UPRONA et le CNL. Ces observateurs ont noté une forte participation des femmes et des jeunes parmi les membres des bureaux de vote. La radio de l'avenir. Le manque d'environ 100 matelas, des mouvelots en mauvais état et le véhicule scolaire qui tombe en panne souvent sont certains des défis auxquels fait face le lycée Kayanza, à une école à régime d'internat. À propos de Clavier Akizimana, directeur de cette école, celui-ci fait savoir que les 2000 alloués à la nourriture des élèves par jour ne sont pas suffisants vu la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Le point avec Patrick Saint-Guillaume. Hakizimana Claver, directeur d'ICE Kayanza, fait savoir que récemment, des matelas avaient été fournis par le ministère de l'Éducation au lycée Kayanza, mais que le nombre restait insuffisant. Selon lui, il faut encore 100 matelas pour que tous les élèves puissent dormir convenablement. Il signale également que les ustensiles de cuisine utilisés pour la préparation des repas des élèves sont très usés, tout comme de nombreux lycées sur lesquels dorment les élèves. Le directeur du lycée Kayanza soulignait en outre que les prix des biens essentiels ont fortement augmenté, notamment des fournitures scolaires et les denrées alimentaires au marché. Pour nourrir plus de 800 élèves inscrits au lycée Kayanza, l'établissement doit compter sur les frais de Minerval, les subventions de l'État, mais aussi l'école fait recours à des dettes contractées auprès des commerçants, mais les fonds disponibles ne suffisent pas à couvrir tous les besoins, comme l'indique Clavel Hakizimana, directeur d'école. Clavel Hakizimana appelle le gouvernement burundais, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, à augmenter augmenter le budget consacré à l'alimentation dans les écoles à régime d'internat. Il faut signaler que la province de Kayanza compte 4 écoles à régime d'internat, dont le lycée Kayanza, le lycée Gatara, le lycée Malamzia et celui de Moussema. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Actualité africaine. Avant de clore cette édition, le Tchad, pays d'Afrique centrale, a déclaré qu'il suspendait tous les visas accordés aux citoyens américains par souci de réciprocité, dit-il après avoir appris qu'il faisait partie de la douzaine de pays dont les ressortissants sont interdits de voyage aux États-Unis. L'Afrique est le continent le plus touché par l'interdiction de voyager annoncée par le président américain Donald Trump, avec 7 des 12 pays figurant sur la liste doit entrer en vigueur lundi 9 juin. Pour rappel, Donald Trump a interdit par décret mercredi 4 juin aux ressortissants des 12 pays l'entrée aux États-Unis. 7 autres États concernés par les restrictions partielles. Le président américain a invoqué les risques de la sécurité des États-Unis et cette interdiction concerne l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Le président américain restreint également partiellement l'entrée aux États-Unis des ressortissants du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Ndouimana. Merci à Eric Ouimana qui assurait la mise en onde. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Chaque voix compte si elle est entendue, titre l'éditorialiste du journal Iwachu, qui rappelle que les Burundais se sont rendus aux urnes ce 5 juin 2025 pour élire leurs députés et conseillers communaux, et quelle heure est au dépouillement. Candidats et sympathisants vivent ces heures dans l'anxiété du verdict électoral. Le suspense ne prendra fin qu'avec la proclamation des résultats provisoires les 10 et 11 juin et les résultats définitifs en date du 20 juin prochain. Mais la question demeure, selon ce journal, le verdict des urnes sera-t-il respecté? Pendant 3 semaines, les Burundais ont tout vu, tout entendu. Les politiques ont tenu des discours parfois éloignés de la réalité, note son confrère, qui fait sienne la nature des promesses politiques, telles que résumées par Jean Dutour, écrivain et membre de l'Académie française, je cite, « Faire parler un homme politique sur ses projets et son programme, c'est comme demander à un garçon de restaurant si le menu est bon. Tout ce qui l'intéresse, c'est que vous payez l'addition, ce n'est pas lui qui aura mal au ventre. » Fin de citation. Pour l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu, voter risque ainsi de devenir un simple acte formel, alors qu'il devrait constituer l'affirmation par chaque Burundais de son pouvoir de modeler la société et de tenir les gouvernants responsables. De son côté, un blogueur du collectif Yaga s'interroge si les batois au Burundi ne sont que bons à être cooptés. En effet, fait remarquer son confrère, les batois, minorités ethniques, sont quasi invisibles sur la scène politique burundaise. Leur présence reste tributaire d'un mécanisme de cooptation censé compenser leur sous-représentation. Mais cette solution temporaire règle-t-elle pour autant l'injustice qu'ils ont subie depuis le passé? Suffit-elle à assurer une participation réelle et équitable? À ce propos, ce blogueur du collectif Yaga cite Boventura dos Sousa Santos, sociologue portugais, qui rappelle que la démocratie ne se mesure pas à la présence de minorités dans les institutions, mais à la qualité de leur pouvoir. C'est d'ailleurs ce que pensent certains responsables des organisations défendant le droit des Batois. Et ce blogueur de conclure, qu'en l'absence d'une réelle inclusion dans les partis ou sur les listes électorales, la cooptation risque de devenir une solution de façade. Revue de la presse. Les éleveurs de lapins de la commune élargie de Nahangwa se plaignent de manquer de marché d'écoulement pour leurs produits, rapporte l'agence burundaise de presse. Selon Alexis Ndayizeye, représentant de l'association Urunani Gwaboro Ziwinkwavu, sise dans le quartier Bubanza de la zone Kinama, le nombre de lapins augmente au jour le jour. Pour éviter la consanguinité et le manque d'espace d'élevage, il considère qu'il devrait y avoir un marché d'écoulement pour la vente de lapins annexés, favoriser la bonne croissance des autres lapins, et enfin pour se procurer aussi de l'argent pour l'achat de la nourriture et des soins des lapins restants. L'ABP souligne aussi les difficultés qu'éprouve un autre éleveur de lapins de Chibitoke pour trouver des clients potentiels. Il s'agit de Gisèle Nhiramheba qui a un lot important de 100 lapins. On termine cette revue de presse par cette audience le 28 mai dernier de l'homme d'affaires burundais Adrien Nigachik alias Zeranotse auprès de la chef d'État tanzanienne Samia Suluhu Hassan, tel que le rapporte Net Press. Selon ce journal, leurs discussions ont porté sur les projets déjà en cours en Tanzanie, initiés par cet investisseur burundais, notamment la production d'engrais organominéraux. L'usine de production de cet engrais se trouve dans la ville tanzanienne de Dodoma et produit plus ou moins 1 million de tonnes d'engrais. L'inauguration officielle de cette usine d'engrais implantée en Tanzanie par Adrien Nigachika est prévue dans les prochains jours, sans précision de date, poursuit ce quotidien en ligne, qui ajoute que cet investissement revêt une importance économique hors norme, car au moins 3 000 emplois ont été déjà créés, occupés par des nationalités tanzaniennes et burundaises. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.